nan jè tout tout tim ke ou pa wè. Nan pou mwen ke nan ke mwen pou ou wè. Gade nan jè tout tout tim ke ou pa wè. Ki jan damou e mwen fou. Gade nan jè tout tout tim ke ou pa wè. Nan pou nan ke mwen genye pou ou wè. Gade nan jè tout tout tim ke ou pa wè. Ki jan damou e mwen fou pou ou. Ta bezwen pale ani kon gade. Oh oh damou. E pa gen mwen pou explike non. Oh oh damou. Pa bezwen pale ani kon gade. Oh oh damou. E pa gen mwen ki ka explike non. Oh oh damou. Oh lord. Oh leo kirino. Nan oh leo. Gade. Asa, asa, asa, silenti dam. Akia ya we boreo. Boreo, kido. Bolero, bolero. Pa bezwen pale ani kon gade. Oh, oh. Mok pou explike non. Oh, oh, damou. Pa bezwen pale ani kon gade. Oh, oh, damou. E pa ki mok ki ka explike non. Oh, oh, damou. Fon pou sa bel, woy. toi. Rester loin de toi, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. T'emporte dans mes bras, je ne pense qu'à ça. C'est ton corps que je veux, ton amour que je veux. C'est ton cœur que je veux, tout ton être que je veux. J'ai tout tout dit que au pawe tu m'ouais que na que moi pour vous garde na j'ai tout tout dit que au pawe qui j'aime d'amour et moi fou pas besoin parler on y font garder oh oh d'amour et pas que moi pour expliquer non oh oh d'amour pas besoin parler on y font garder oh oh d'amour et pas que moi qui ca expliquer non oh, oh. Gade ki jam d'amour, gade doudou, gade ki jam mè mè, gade baby, gade ki jam mè mè.